L'archéologie est un formidable outil pour mettre au jour des faits, souvent anecdotiques, de notre plus lointain passé. Pour autant, et puisqu'elle œuvre à la matérialité des sociétés révolues, tout un pan de nos origines lui échappe, notamment celui des idées et des mots, puisque ceux-ci s'oublient et ne se fossilisent pas. Pourtant, retrouver les traces de ces mots, de l'imaginaire, pratiquer une archéologie de la psyché, c'est ce que nous tenterons d'entreprendre aujourd'hui avec mon invité. À la lecture d'un livre, Cosmogonie, j'avais été très impressionné par la puissance des méthodes philo-mythologiques qui permettent désormais de reconstituer les mythes du passé le plus ancien. Aujourd'hui, son auteur se lance dans une nouvelle aventure. Julien Duy, bonjour. Bonjour. Ce que vous nous proposez, c'est de nous entraîner là où les mythes et la mort se rejoignent et au plus profond des origines de l'homme moderne. Au travers d'un ouvrage, L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Je rappelle au passage que vous œuvrez désormais dans le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, de l'EHESS et du CNRS, en parallèle de Jean-Loïc Le Callec, géant de la mythologie et de la préhistoire. Avant de plonger dans la mythologie, faisons un peu d'éthologie humaine et animale. L'homme fossile, à l'origine d'Homo sapiens, il y a quelque 300 000 ans, aurait-il pu avoir une conscience de la mort ? Oui, puisque certains animaux l'ont, notamment les singes ? Oui, c'est exactement cela. En fait, Homo sapiens, mais nos ancêtres également, l'ensemble de la lignée humaine, plonge ses racines dans le monde animal. Et lorsqu'on étudie le monde animal, on se rend compte que la mort ne laisse pas toutes les espèces indifférentes. Par exemple, chez les singes, chez les chimpanzés, mais chez d'autres espèces également, l'arrivée, la survenue de la mort dans le groupe déclenche des comportements particuliers. Ce sera par exemple cette femelle qui va porter son petit pendant de longs jours avant de le poser, de l'abandonner au groupe, puis finalement de partir, de s'éloigner définitivement. Alors, la douleur peut durer. On sait par exemple que chez les singes, certaines hormones sont sécrétées au moment du décès et continuent donc chez les survivants et continuent dans le temps. Alors les singes, c'est bien sûr nous, mais même les éléphants ? Et même les éléphants, puisqu'on a observé des rituels ou à minima des comportements particuliers d'éléphants devant le décès de l'un d'entre eux. C'est aussi le cas pour de nombreuses autres espèces. La mort ne laisse pas les êtres vivants indifférents, du moins la plupart des êtres vivants. De fait, l'archéologie est peu bavarde sur ce thème. Les premières sépultures confirmées apparaissant vers 130 000 à 100 000 ans. Bien sûr, tout ça n'est pas très vieux, eu égard les propos que nous avons aujourd'hui. Comment louvoyer pour aller plus loin autour de ce grand peut-être, pour paraphraser Stendhal ? Alors, on disposait jusqu'à présent d'un certain nombre d'outils, le principal étant l'archéologie, qui nous permet de remonter dans le temps. Mais l'archéologie ne peut donner qu'une image relativement figée de ce qui se passe, de ce qui était pensé à l'époque, et lacunaire, puisque beaucoup, beaucoup de choses n'ont pas été conservées. Ce que je propose, ce que d'autres ont proposé, c'est de s'appuyer sur la mythologie comparée afin de remonter loin, très loin dans le passé. Alors Guy, vous parlez d'archéologie, mais j'imagine que vous considérez l'archéologie aussi, la paléontologie, la génétique, tout ça bouge énormément. Vous êtes peut-être le quatrième élément ? Effectivement, la mythologie comparée, abordée en utilisant les mathématiques, ou du moins les statistiques de masse, permet de jeter un nouvel éclairage sur le passé. Alors justement, quels sont vos outils à votre disposition pour tenter de retrouver les récits et par là même les croyances que purent élaborer les premiers hommes modernes autour de la mort ? Alors, il y a plusieurs outils dans la boîte à outils du mythologue. D'abord, il y a l'étude de la répartition des récits, puisque quand on étudie les mythes à travers le monde, on se rend compte que ceux-ci ne se répartissent pas de manière aléatoire dès qu'ils atteignent un certain degré de complexité. Alors bien sûr, si on s'arrête à un motif aussi simple que une mère tue son enfant ou un père tue son enfant, évidemment, on va retrouver ces récits un peu partout dans le monde. C'est des récits qui ont pu être inventés indépendamment, des motifs qui ont pu être inventés indépendamment. Par contre, d'autres motifs se retrouvent seulement en Afrique, en Australie, ou alors en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est, en Australie. Ils peuvent alors être la trace d'anciennes migrations. C'est ce que l'on appelle l'aérologie. C'est ce qu'on appelle l'aréologie, c'est-à-dire l'étude de la répartition de motifs mythologiques à travers le monde afin d'en reconstruire l'histoire. Alors qu'est-ce que la philomythologie ? Une sorte, là vous faites des sortes d'arborescences, des clusters ? C'est ça. En fait, l'aréologie permet de montrer que certains récits datent d'époques très anciennes, par exemple de la sortie de l'homme d'Afrique. Lorsqu'on retrouve un récit en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Australie, il faut bien prendre conscience que les hypothèses de diffusion sont assez restreintes, puisque l'Australie a été peuplée il y a environ 65 000 ans, peut-être avant, pendant une période très longue, d'être en grande partie coupée culturellement et génétiquement du continent asiatique. Ça veut dire que si on retrouve des récits à la fois en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est et en Australie, des récits complexes, j'entends, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agit d'une diffusion liée à la première sortie de l'homme d'Afrique. Alors, en étudiant les motifs mythologiques, nous sommes face à une sorte de carte où il y a de nombreux points. Mais nous n'avons pas les flèches de diffusion, on n'a pas le mouvement et on ne sait pas où tout commence. Puisqu'effectivement, si on trouve des récits en Afrique, en Australie, en Asie du Sud-Est, pourquoi pas une émergence en Asie du Sud-Est. Et la philomythologie permet de déterminer les points d'origine. Mieux encore, elle permet de reconstruire les récits qui étaient à la racine des arbres, donc de la diffusion des mythes. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il y aurait deux grands ensembles mythologiques présents de par le monde ? C'est ça. Alors ce n'est pas seulement moi, puisqu'il y a les travaux de nombreux chercheurs, incluant le russe Yuri Bereskin ou le français Jean-Loïc Lekelec, ou encore Michael Witzel. Et ces différents chercheurs auxquels je m'adjoins ont montré effectivement qu'il existait une mythologie australe, liée probablement à la première sortie de l'homme d'Afrique, et une mythologie plus septentrionale, qui serait plus ancienne, et qui correspond au, puisque lorsque l'homme est sorti d'Afrique, on était en pleine période glaciaire, qui correspond à la recolonisation, à la reconquête du nord de l'Eurasie. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout ça n'est presque pas nouveau. Dès 1892, on perçoit des mythes très proches des deux côtés du détroit de Bering. C'est ça. En fait, c'est une idée qui est très très ancienne, qui a été pendant longtemps un peu oubliée en mythologie. Mais il faut bien voir que de grands auteurs comme Franz Boas, alors là c'est une allusion à Charançais, mais comme Franz Boas, comme Mauss, comme Lévi-Strauss, l'ont vu, l'ont senti et ont supposé de très anciennes diffusions de l'ancien vers le nouveau monde, donc des diffusions paléolithiques. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'accès à de grandes quantités d'informations, puisqu'avec Internet et les bibliothèques, nous avons finalement accès à des quantités d'informations jamais atteintes. Avec l'utilisation de statistiques, on peut passer de l'hypothèse à la démonstration. Alors ce qui est très intéressant, c'est que visiblement, les traditions mythologiques en Eurasie, donc chez nous, seraient plus tardives. C'est exactement ça, en fait. Ça peut être démontré aussi bien en étudiant l'ère de diffusion des récits que d'un point de vue statistique, puisqu'on se rend compte que le message lié à la distance, c'est-à-dire, est plus fort lorsqu'on se réfère à l'Asie septentrionale. Est-ce qu'on pourrait y voir, justement, l'arrivée tardive d'Homo sapiens en Europe ? En tout cas, ça correspond. Ça correspond effectivement aux données. Après, le problème, c'est qu'en mythologie, à la différence de la génétique et dans une certaine mesure de la linguistique, c'est que nous ne disposons pas encore d'horloges internes permettant de calculer l'âge d'un mythe, par exemple, par rapport à sa variabilité. Alors, c'est des choses qui se feront peut-être par la suite, mais c'est une science qui est encore en pleine élaboration. Julien Duy, existe-t-il une grande variété de mythes portant sur le thème de la mort ? Alors, en fait, il existe étonnamment très peu de types de récits par rapport à tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ça a été remarqué par différents chercheurs. Je parlais de Yuri Bereskin, de Jean-Loïc Lekelec, mais par d'autres chercheurs également. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que le nombre d'idées est somme toute limitée. Comment l'expliquer ? Alors, soit l'imagination humaine est finie, et on ne peut pas avoir plus d'un certain nombre d'idées, ce qui serait quand même assez étonnant quand on regarde la variété existante dans d'autres aspects de la mythologie. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agit de mythes qui se diffusent particulièrement bien, qui se transmettent particulièrement bien, et si on n'a pas tant de mythes différents que cela, c'est simplement parce qu'on hérite de ces récits-là. Et que s'ils sont en nombre limité, c'est parce que la transmission verticale de génération en génération limite cette variabilité. Évoquons le temps. La permanence des mythes est bien entendu un thème clé. Rappelons Lévi-Strauss qui écrivait « On ne discute pas les mythes, on les transforme En croyant les répéter ? C'est ça, en fait. Et ça a été très souvent sous-estimé. Les mythes se conservent et se conservent généralement bien mieux que les langues. Pourquoi ? Parce qu'un mythe, finalement, c'est lié à notre manière de représenter le monde. Alors, on parlait tout à l'heure de la diffusion de récits complexes. Lorsqu'on a un récit complexe que l'on retrouve, par exemple, des deux côtés du détroit de Bering, à la fois en Amérique et en Asie, et lorsque ce récit est particulièrement diffusé, il est difficile d'admettre une diffusion récente, par exemple, par la colonisation européenne. Donc, il est probable qu'il s'agit d'un récit qui s'est diffusé au moment des premiers peuplements en Amérique. Et ainsi, il est possible de montrer dans plusieurs endroits du monde, que certains récits sont très anciens. Vous dressez des arbres phylogénétiques, ou mieux donc philomythologiques, qui vous permettent de remonter le temps. En parallèle, nombre de mythes ont une origine africaine, donc nés avant la sortie d'Afrique. Donc les hommes anatomiquement modernes avaient des mythes liés à la mort avant de sortir donc d'Afrique ? Voilà, c'est ça. Donc ça, il y a plusieurs manières, une fois encore, de le démontrer, puisqu'on parle toujours de démonstration. Il ne suffit pas d'avancer une idée, il faut la démontrer, il faut l'étayer, il faut trouver un moyen qu'elle puisse être réfutée. Hein, c'est la marche de la science. Et en utilisant différentes méthodes, on peut effectivement montrer que Homo sapiens, avant même son départ d'Afrique, connaissait des mythes liés à la mort, des motifs mythologiques liés à la mort. C'est une idée assez révolutionnaire. On imagine que dans le monde des sciences, cela ne doit pas être forcément très vite accepté quand on est préhistorien ou on fait de la paléontologie humaine. Oui, mais là encore, il y a un problème de communication entre les disciplines, comme je le disais tout à l'heure. Le fait que certains récits sont très anciens, paléolithiques, a été reconnu par les plus grands chercheurs en anthropologie, en ethnologie, ou plus simplement en mythologie comparée. Donc, les outils à notre disposition actuellement, qui permettent de démontrer justement ce qui était jusqu'à présent des hypothèses, sont faciles à expliquer et faciles à montrer. Alors comment les populations anciennes expliquaient-elles la mort et la mortalité ? Voici un questionnement que toute l'humanité se pense depuis ses origines. La mort est souvent liée à un être qui meurt et qui renaît. C'est bien entendu le cas de la Lune, qui meurt et renaît chaque matin. Une forme d'immortalité, nombre de mythes sur ce sujet portent et tournent autour de cet astre ? C'est ça, la Lune est souvent liée à l'arrivée de la mort ou à une notion d'immortalité. Effectivement, la Lune, dans le ciel, par son mouvement, apparaît parfois pleine et entière et parfois disparaît complètement. Finalement, c'est presque la première résurrection. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que là encore, l'idée n'est pas si simple qu'elle aurait été inventée partout à travers le monde. Lorsqu'on étudie, Yuri Bryskin l'a très bien fait, lorsqu'on étudie la répartition du motif liant Lune et immortalité, on se rend compte qu'on le retrouve essentiellement dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire lié à la première sortie de l'homme d'Afrique. Ensuite, en utilisant les statistiques, c'est-à-dire la philomythologie, il est possible, en remontant nœud par nœud, les arbres créés mathématiquement à partir de grands corpus de mythes, il est possible de montrer que cette croyance existait bel et bien lors de la sortie de l'homme d'Afrique. Alors Julien, racontez-moi cette histoire de femme qui vole un élixir et devient éternelle sur la Lune. Ah, ça c'est... Alors là, il y a... C'est chinois. Là, il y a en fait deux versions de ce récit. Il y a un récit qui est chinois. L'autre japonais. Et l'autre japonais. Dans le premier cas, on a une femme qui va dérober l'élixir d'immortalité à son mari, qui va se réfugier sur la Lune, où elle sera bien embêtée et coincée. Donc ça, c'est le récit chinois. C'est un récit qui est très ancien. Et on a un deuxième récit, qui est un récit japonais, qui raconte comment une femme tombée de la Lune, mais ne le sachant pas encore, va être élevée par des humains et va être ensuite va retrouver son identité, non sans avoir séduit l'empereur, et va retourner sur la Lune. Mais avant de partir, elle va offrir sa robe terrestre à ses parents d'adoption, elle va offrir de l'élixir d'immortalité à l'empereur, puis regagnera l'astre lunaire. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une structure qui est commune. Alors, les spécialistes du Japon diront que la Chine, et auront raison, feront remarquer que la Chine, la culture chinoise, a fortement influencé la culture japonaise. Mais en réalité, ces deux points, ces deux récits, se rattachent à un troisième qui raconte comment une femme est enlevée et emmenée sur la Lune. Une femme qui, généralement, est partie chercher de l'eau, autrement dit, un liquide comme l'élixir d'immortalité. Et ce récit, on le retrouve à la fois en Eurasie, en Amérique du Nord, il s'agirait d'un récit paléolithique. Et ainsi, on aurait, sur la particularisation d'un thème, la démonstration qu'un récit peut survivre plusieurs millénaires. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Julien Duy, la Lune donc est importante car elle serait tout à la fois immortelle et en lien avec la mort. C'est ça. En fait, la Lune, il faut bien penser qu'en mythologie, les contraires peuvent s'articuler ensemble. La Lune permet de poser la problématique de la mort. Il existe d'autres récits où la Lune est celle qui a, là on parlait de la Lune et d'une forme de la notion d'immortalité, mais il existe d'autres récits où la Lune est la cause, ou du moins une cause indirecte de la mort. C'est par exemple le récit du message perverti. Dans le message perverti, dans les versions africaines, l'une va demander à un animal, souvent lièvre, d'aller apporter un message d'immortalité aux hommes. Mais comme lièvre, soit qu'il est vexé pour une raison particulière, soit simplement qu'il n'a pas envie de le faire, soit qu'il se trompe, apporte un autre message aux hommes et leur dit « vous serez mortels ». Et l'une ne peut que regarder les dégâts, la mortalité et la rentrée dans le monde des hommes. En Afrique, le thème de la mort et de la résurrection est lié à des êtres capables de changer de peau, donc qui rajeunissent. C'est bien entendu le cas des reptiles. C'est le cas des reptiles. Et là encore, il s'agit de quelque chose qu'on trouve essentiellement dans l'hémisphère sud. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que ça ait été inventé simplement par hasard. Et on retrouve également, donc, d'un point en utilisant les statistiques, on peut montrer l'origine de cette croyance en Afrique. Et on peut également travailler sur des particularisations comme l'épopée de Gilgamesh. Ou le fameux serpent de Bahreïn qui mange la perle, de fait. C'est ça. En fait, il y a Gilgamesh cherche l'immortalité, hein, c'est le cœur du récit. De l'épopée. Hein, de l'épopée. Et il va obtenir une herbe, sauf que le malheureux va s'arrêter près d'une source, un serpent va lui voler son herbe, il va se retrouver sans immortalité avec le serpent qui a récupéré cette immortalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce récit se retrouve, c'est Paul Delarue, un très très grand folkloriste, hein, qui l'a montré, ce récit se retrouve chez les Grecs, puis chez les Romains, puis continue jusqu'à l'époque actuelle sans qu'il y ait de correspondance écrite entre les différents éléments. Autrement dit, on aurait là encore une démonstration d'une tradition qui perdurerait à travers le temps. On l'a aussi dans le Livre des Morts de la 18e dynastie, donc vers 1320 notre ère. C'est ça, mais il s'agit pour le coup d'un rattachement, puisque là, il n'y a pas de rattachement possible entre plusieurs traditions au niveau de la complexité. On peut donc penser que des éléments immortels ou ne vieillissant pas ont été les points d'ancrage de la pensée des premiers Homo sapiens. C'est ça. En fait, pour penser le mouvement, on a besoin d'un point fixe. Pour penser le temps, on a besoin d'un moment hors du temps. C'est nécessaire, un élément qui est important, c'est nécessaire pour articuler une forme de pensée abstraite sur la réalité. Par ailleurs, un mythe relate que Dieu envoie un caméléon porteur d'éternité et le lézard porteur de la mort. Mais caméléon arrive trop tard. Nous voici donc passés de l'immortalité à mortel. C'est ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle, c'est une version du message perverti. Deux messagers sont envoyés, l'un porteur de la mortalité, l'autre de l'immortalité. Et dans la course qui les oppose, c'est la mortalité qui va l'emporter. Donc, au départ, nous aurions été immortels. C'est un point commun qu'on retrouve dans les motifs. C'est-à-dire que l'État qui peuvent être reconstruits lors de la sortie de l'homme d'Afrique. C'est-à-dire que l'état d'origine de l'homme aurait été un état d'immortalité ou, à minima, d'immortalité. C'est-à-dire que la question de la mort ne se posait pas sans que l'homme soit pour autant mortel. Parfois, dans certains récits, l'homme va rajeunir en muant, par exemple. Manque de chance, il y a quelqu'un qui va passer, qui va l'observer, et c'est le moment où la mort va rentrer. Nous parlions de lézard. Des animaux particuliers sont liés à ce thème du trépas. Alors, si on remonte moins loin que la sortie de l'homme d'Afrique, on a le chien. Le chien qui est considéré comme un animal psychopompe dans énormément de cultures. Alors, la question, c'est de savoir à quand remonte cette croyance. Est-ce que c'est une croyance récente qui se serait diffusée après la diffusion du canidé? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait accompagné les premiers chiens dès le début? Et pour délabyrinter cette question, j'ai utilisé les mythes liés aux chiens pour en faire un arbre phylogénétique. Et la surprise, l'arbre l'arbre que j'obtiens à partir des mythes correspond à l'arbre de ce qu'on sait de la diffusion des chiens. Ce qui veut dire que le chien se serait diffusé en même temps que les mythes qui l'inspiraient. Et en remontant, en utilisant cet arbre, en remontant dans le temps, on se rend compte que dès les origines, le chien aurait été un animal psychopompe, c'est-à-dire qu'il aurait accompagné l'homme sur la route qui le mène à la mort. C'est-à-dire que le chien aurait pu être domestiqué, non pas pour son utilité, mais pour sa symbolique ? Voilà, c'est exactement la question que cela pose. Jusqu'à présent, les explications utilitaires ont été prédominantes. C'est très prégnant dans la littérature. On a domestiqué le chien parce que les loups collaboraient avec les hommes. On a domestiqué le loup, pardon. C'est ça. On a domestiqué le loup, pardon, parce que le chien est déjà domestiqué. Donc, on a domestiqué le loup parce qu'il collaborait avec les hommes. C'est une des hypothèses. Et chacun y trouvait son compte dans une chasse en collaboration. Une autre hypothèse, c'est on a capturé des chiots dans la nature pour la fourrure, pour la nourriture. Donc cette idée de fonctionnalité de la domestication était très importante. Simplement, ce que montre la philomythologie, c'est que l'idée que le chien ait été un animal psychopompe pourrait avoir été un déclencheur. Finalement, si on a un animal, le loup, qui nous accompagne à la mort. Et d'ailleurs, on a trouvé des tombes de chiens au Paléolithique, mais avant les tombes de chiens, on avait des tombes de loups. Si donc on a un loup qui nous accompagne, on a tout intérêt de le domestiquer, de bien le traiter, afin que plus tard, il soit de notre côté au moment du grand voyage. C'est-à-dire que le chien ou le loup serait le garde, le guide au royaume des morts, si j'ai bien compris. Vous parliez de tombes, de loups, de chiens. Tout ça se pratique essentiellement dans le monde de la Russie ? Alors, la domestication du loup, c'est un vaste débat. On sait que les probabilités les plus importantes, c'est que ce soit en Asie. Ce que montre la philomythologie, c'est que ça aurait été entre l'Asie de l'Est et l'Asie centrale, sans pouvoir préciser davantage. Et nous sommes actuellement à la merci, sinon à la recherche de nouvelles données, d'un point de vue scientifique, afin de pouvoir trancher. Julien Duy, les premiers Homo sapiens ont-ils pensé à l'immortalité à l'arrivée de la mort ? Dans ce type de questionnement métaphysique, la Voie lactée aurait pu jouer un rôle, celui de chemin des morts ? Oui, là encore, ça peut être démontré par la philomythologie, pas seulement, à partir de corpus différents. La Voie lactée, cette traînée d'étoiles que l'on voit dans le ciel, aurait été considérée comme la route qui menait à l'au-delà. Alors, on retrouve cette croyance en Europe, encore aujourd'hui avec la route de Saint-Jacques, qui est une appellation de la Voie lactée. La route de Saint-Jacques, c'est l'idée que la Voie lactée se dirigerait vers Saint-Jacques. Or, Saint-Jacques est le saint intercesseur au Moyen-Âge, et intercesseur des morts, c'est-à-dire que lorsqu'on mourait, on se confiait à Saint-Jacques. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr que l'âme part, mais peut revenir. Il existe donc des ponts entre ici et l'au-delà ? Oui, c'est-à-dire que ça ne va pas que dans un sens. On a la Voie lactée d'une part pour se rendre dans l'au-delà, mais il y a aussi la possibilité pour les morts de revenir dans le monde des vivants. Par exemple, les tremblements de terre, là aussi il s'agit d'une croyance qu'on retrouve dans l'hémisphère sud et d'une croyance dont l'origine est reconstituée en Afrique. Les morts, essayant de sortir, créent des tremblements de terre. Alors, puisque nous cheminons vers l'au-delà, on pense bien sûr à Orphée. Oui, il y a aussi le récit d'Orphée. Orphée qui est un des mythes finalement fondateurs de l'Occident, qui est lié à nos premiers opéras, qui a été illustré dans l'art, dans la peinture, qui a été illustré dans la littérature. Donc Orphée qui est un des mythes au cœur de notre culture, eh ben ce récit d'Orphée serait beaucoup plus ancien. En fait, on peut montrer qu'il a des parallèles au Japon, mais au-delà du Japon, on peut montrer qu'il existe une forme de cline avec de nombreuses versions, certaines écrites, d'autres orales, qui passeraient de l'Europe jusqu'à l'Amérique. Et cela peut être, cela montre une réelle profondeur de ce mythe. Cela montre aussi que notre culture ne peut pas être analysée seule, mais que des connexions sont nécessaires à travers le monde. Julien Duy, peut-on penser que les premières sépultures auraient été inventées justement afin d'être un moyen pour aider les hommes, et notamment Homo sapiens, dans leur voyage ? Alors, aider les morts ou s'en débarrasser ? Là est toute la question. Parce que ce qui peut être construit, c'est les causes de la mort, ce qui peut être construit, c'est les chemins pour s'en aller, mais très très peu de choses peut être reconstruit sur la suite de l'aventure. Tout se passe comme si les premiers hommes ne s'étaient pas intéressés à ce qui se passerait ensuite. Les sépultures, dans ces conditions, auraient pu être pensées comme un moyen de séparer les morts des vivants. À part ça, il y a mille et une autre manière de rendre hommage à un mort. C'est ça, il faut pas... Et il n'y a pas que la sépulture. C'est ça, il ne faut pas rester focalisé uniquement sur la sépulture. L'avantage de la sépulture, c'est que c'est quelque chose de très concret que l'on peut retrouver. Et qui nous parvient aussi. Et qui nous parvient. Il y a de nombreuses autres formes de rituels qui ont de nombreuses pratiques funéraires qui ont pu disparaître avec le temps. Par exemple, l'exposition de corps. Ou alors, les enterrements secondaires, c'est-à-dire qu'on enterre un corps qu'on va déterrer ensuite pour ne conserver que certains ossements. Et d'ailleurs... parmi les premiers ossements d'Homo sapiens, on a un crâne qui a été altéré, qu'on a retrouvé en Afrique, le crâne sans le reste du corps, comme si finalement la préservation du corps passait que par une partie de celle-ci. Nous savons que le soleil poursuit sa course dans le ciel. Pourrait-il être, dans certains mythes, tout simplement un animal chassé ? Oui, c'est un type de récit que l'on retrouve là encore en Afrique et un peu partout dans le monde, essentiellement dans l'hémisphère sud. La philomythologie permet de reconstruire la protoforme de ce récit. À l'origine, Homo sapiens raconterait que tous les soirs, le soleil, qui aurait été un ongulé, aurait été chassé puis tué par un être humain. Celui-ci aurait mangé l'animal, ce qui explique l'arrivée de la nuit, mais fort heureusement, tous les matins, il prend un os de cet animal et le jette dans la direction où le soleil va se lever, à partir de cet ossement. Le soleil va ressusciter. Donc ça, c'est une croyance dont on peut suivre l'évolution, étape par étape, l'évolution des différents traits, et que l'on retrouve dans l'archéologie. Julien Duy, quelle représentation mentale les Homo sapiens sont-ils construits de leur devenir après la mort ? Puisque les mythes sont là pour expliquer le monde, comment les populations anciennes pouvaient-elles imaginer l'au-delà, sûrement comme un contre-pied du monde des vivants ? Oui, comme une inversion du monde des vivants. Il ne faut pas oublier que la mythologie permet d'associer, de comprendre et de synthétiser les contraires. C'est un outil logique, opératoire, qui permet de comprendre la diversité du monde. Et la mort a souvent été représentée comme l'inversion du monde des vivants. Julien Duy, merci beaucoup. Bien loin du travail des préhistoriens, Julien Duy, les mythes et leur phylogénie, leur cheminement au travers de l'aérologie, constituent un autre moyen de remonter le temps. Car les préhistoriens ne l'ont peut-être pas encore compris, mais les mythes se fouillent aussi. Après Cosmogonie, votre dernier ouvrage, L'aube des mythes, paru à la Découverte, est une passionnante plongée dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons été. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Grégory Wallon, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.